grandes choses pour nous. Amen. Amen. Nous allons vite maintenant passer à la deuxième étape. Partout. Deuxième partie. Et encore troisième partie. Amen. Is it not a good thing? C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Deuxième partie. Nous allons passer. J'espère que ça va. I hope it will show. Jeremy, are you ready? Will it show? Ok. Nous allons montrer un petit film. Alléluia, sur la campagne Jésus qui guérit. Nous allons vous montrer notre croisade ou campagne en Guinée. Amen. Vous allez voir le trajet que nous avons fait pour arriver au lieu des campagnes. Nous avons fait, je crois, 5 campagnes en Guinée. Donc, Conakry, Nzérékoré, Kissidougou, Gékédou, Kindia. Macenta? And then where else? Macenta, Kindia, Kissidougou, Gékédou, Nzérékoré. Ok. And then, avant, nous avions fait aussi Conakry. Donc, vous allez voir juste quelques extraits des croisades que nous avons fait en Guinée. Et surtout, j'aimerais que vous preniez attention et vous faisiez attention au trajet que nous avons fait pour arriver là où nous sommes partis. Et de savoir que personne n'a payé pour le voyage. Quand vous voyez le groupe de personnes que nous avons atteint, vous allez voir que l'offrande qu'ils ont pu donner n'a même pas pu payer pour l'essence de quitter Accra pour arriver à la frontière. Tout ce que nous avons fait parce que nous croyons que toutes les âmes, chaque âme individuelle est importante pour Dieu. Amen. Qu'ils aient de l'argent ou pas, ils doivent écouter la parole. Ils doivent recevoir l'évangile. Alléluia. Et nous sommes prêts à aller au bout du monde pour prêcher l'évangile. Toi, tu ne peux pas y aller. Toi, tu ne veux pas y aller. Mais j'aimerais vous supplier aujourd'hui de vouloir nous soutenir, de vouloir nous envoyer en donnant une offrande et en devenant partenaire de la croisade Jésus qui guérit. Permettez à ce que Dieu touche votre cœur. Alléluia. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Jeremy, let's watch the film. C'est trop vite. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus peut faire. Amen. N'oubliez pas que la Guinée est un pays musulman. Et la plupart des miracles, ce sont les musulmans qui ont reçu. Wow! Si on ne part pas dans ces pays, comment est-ce qu'ils vont entendre l'évangile? Comment est-ce qu'ils vont accepter Jésus-Christ? Comment est-ce qu'ils vont voir que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui? Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Acclamez Jésus encore une fois. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes contents de voir ce que Jésus est capable de faire, même aujourd'hui? Amen. Donc, maintenant là, c'est ce que je vais faire. Je vais vous donner l'opportunité de participer, de soutenir la campagne Jésus qui guérit. Amen. Il s'agit de l'argent. C'est pas autre chose. Je suis pas là pour vous demander la prière. Vous pouvez prier. Mais là, c'est l'argent que je veux. Amen. Où sont les paniers? Je sais que vous êtes capables de faire. Amen. Vous êtes étudiants, certains travaillent, mais je sais que vous êtes capables de donner. Et vous allez donner parce que vous croyez à ce que nous faisons. Amen. Hallelujah. Are you there? Hey, is there joy? Yes. All right. I want administration. Do you have paper and pen? We'll take you. You are ready. So let them stand strategically. Je vais demander à ceux qui sont prêts à devenir des partenaires de Jésus qui la campagne Jésus qui guérit de donner votre nom, votre email. Et votre téléphone aujourd'hui. vous voulez décider, vous voulez prendre une décision de soutenir la campagne en donnant un montant chaque mois. Que ça soit 100 Ghana, 50 Ghana, 10 Ghana, chaque mois, vous voulez prendre une décision, vous dites, quoi qu'il m'arrive, je vais donner 10 Ghana, je vais donner 50 Ghana, je vais donner 100 Ghana par mois pour soutenir la campagne Jésus qui guérit. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui veulent donner et soutenir? 4 personnes. 20, ok. Donc, gardez la main levée des... Are they enough? Nina, come, start from the beginning. Come forward. Commencez à prendre les noms, téléphone et email. All right? Vous allez donner par mois un montant. C'est vous qui connaissez le montant. On ne va pas vous demander, mais c'est entre vous et Dieu. Et sachez que si vous n'êtes pas prêt à respecter votre vœu ou à garder votre vœu, ne commence même pas. Parce que Dieu prend ça au sérieux. Amen. Vous voulez donner chaque mois un montant, 5 Ghana, 10 Ghana. Si vous pouvez donner 10 et vous donnez seulement 5, c'est votre bénédiction que vous ratez. Si vous pouvez donner 50 et vous donnez seulement 10, encore c'est une bénédiction ratée. Alléluia. Dieu veut nous bénir. Il veut que nous assistions et nous faisions quelque chose pour lui. Amen. Is there any group that's ready to come and sing? Because the place is very quiet. You people don't look happy at all. Who? Les Shura. Okay. They have volunteered you. Les Shura. Montez. What are they going to say? All right. Oh, clap for Shura. Amen. Hallelujah. Please hurry up, eh? Write your name. What? No. Mais grâce est là. Okay. Non. Montant. Non, pas montant. Non. Téléphone et email. S'il vous plaît, écrivez d'une manière à ce qu'on peut lire, on peut lire correctement votre, ce que vous mettez. Il ne faut pas écrire en chinois. Amen. Be singing. Vila, même si ne te crois pas. Vila, même si ne te reçois pas. Dis-le pour moi, dis-le que je les aime. Je suis venu pour qu'ils soient sauvés. Oh, dis-le, dis-le, même si tu y es rejeté, je suis là. Oh, dis-le pour moi. Dis-le pour moi. Oh, dis-le pour moi. Dis-le que je l'aime. Ok, ils vont chanter. Mais si vous avez un compte bancaire et vous préférez donner un compte, what do you call standing order? Un virement bancaire, vous allez informer votre banque que chaque mois vous prélevez 10 Ghana, 50 Ghana de mon compte, c'est possible. Ok? Donc, levez la main, je vais vous donner cette fiche. Et vous allez remplir. Amen. Et vous voyez que la fiche est en deux parties. La partie d'en haut, vous allez couper et envoyer ça à votre banque. La partie en bas, vous allez couper et laisser ça avec nous ici. Is that okay? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner, Jeff? Payer par compte bancaire. Ok. Levez bien la main et voilà. All right. vous pensez que vous allez oublier, vous allez, whatever, just tell your bank, every month they will take. Si vous regardez derrière, il y a plusieurs banques. Si vous êtes avec Barclays, il y a un compte en Barclays. Si vous êtes à Fidelity, il y a un compte Fidelity. Si vous êtes à Zenith, il y a un compte. C'est pour vous faciliter la tâche. OK? Donc, levez la main. Dis-le, même si ne te crois pas. Juste dis-le, même s'il ne te reçoit pas. Oh, dis-le pour moi. Dis-le pour moi. Oh, dis-le pour moi. Dis-le que je les aime. Je suis venu pour qu'ils soient sauvés. Même si tu es rejeté, je suis là. Même si tu es secoué, oh, dis-le pour moi. Oh, dis-le pour moi. Dis-le que je les aime. Je suis venu pour qu'ils soient sauvés. I could see he was just about to take off. Ok. Maintenant, si vous pensez que vous ne pouvez pas donner chaque mois, mais vous voulez quand même donner, vous voulez faire un don unique aujourd'hui ou ce mois, vous allez dire, lady pastor, je ne peux pas donner chaque mois, mais aujourd'hui je peux donner 50 Ghana. Je peux donner 100 Ghana, je peux donner 500 Ghana, et une fois pour toutes, je vais donner, levez la main. Ok. Vous n'êtes pas sûr de donner, peut-être vous partez, vous allez partir, et vous n'êtes pas sûr que vous pouvez continuer à donner, mais là, vous pouvez donner 100 Ghana par exemple. Je veux que vous leviez la main. Where are your people? Why are they sitting down? Are you tired? I want you to write down, vous allez écrire votre nom et vous allez dire ce mois d'avril, je vais donner 100 Ghana. Je vais donner 500 Ghana. Je vais donner 1000 Ghana. Je vais donner 250. Elle, pourquoi tu ris? Tu crois pas qu'il y a des gens ici qui peuvent donner 1000 Ghana? Oh, toi de peu de foi. Donc, prenez les noms. Quelqu'un veut donner, mais cette fois-ci, vous allez mettre le montant. Vous allez dire, je promets, ça c'est entre moi et Dieu, mais je promets que d'ici la fin du mois, je vais donner 100 Ghana. Je vais donner 500 Ghana. Je vais donner, je connais pas le montant. Mais ça ne doit pas descendre plus que 10 Ghana quand même. Ok? Please, lift up your hand quickly, quickly, quickly. I'm going to give 100 Ghana cedis. You don't have the money here. Vous n'avez pas l'argent avec toi ici. Mais tu es touché et tu veux donner. Prends le temps de donner votre nom, encore votre email, encore votre numéro et le montant. Que d'ici la fin du mois, je vais donner 100 Ghana. Je ne sais pas pourquoi le montant de 100 Ghana est dans l'esprit. Je crois que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner 100 Ghana, mais tu n'as pas l'argent ici? Please. All right. Good. Write down their names. 100 Ghana. Quickly, quickly. We have to preach. I'll preach by all means before I leave here. Ça, c'est pas la deuxième offrande. Quickly, quickly. Have you taken Dave's name? All right. Et mettez le montant 100 Ghana. y a quelqu'un qui veut donner 50 Ghana. Ok. Please. Go and see, I'm here at the back. Thank you. Oh, I'm surprised. Je crois que beaucoup de personnes... Ok. Tu connais son nom, non? Tu ne connais pas son nom. Tu vas demander son email et téléphone après parce qu'il veut chanter. Il veut chanter. Quickly, quickly. Derrière, personne ne veut donner 50 Ghana. Wow. Tell your neighbor, wow. Vous qui êtes derrière, dis à ton voisin, oh frère, c'est comment? Dis, je croyais que tu étais puissant. Ceux qui sont derrière, dis à ton voisin, je croyais que tu étais... Tu pesais. Je savais pas que tu étais comme moi. Dis à ton voisin, je savais pas que tu étais comme moi. Dis à ton voisin, ne me déçois pas, ne me déçois pas. Oh, pourquoi? Demande à la sœur la plus proche, tes cheveux là, ça a coûté combien? Demande à la sœur la plus proche, tes cheveux là, ça t'a coûté combien? Et tu ne peux pas donner 50 Ghana pour envoyer l'évangile. Oh, pourquoi? C'est sérieux. Amen. Hurry, hurry, hurry. We have to preach, we have to preach. Ok. On a fait l'annonce depuis quelques semaines, quelques jours, qu'aujourd'hui c'est le jour de la campagne Jésus qui guérit. Tu as amené ton offrande. Qui a amené une offrande? Lift up your envelope. Oh, you don't have envelopes. Tu veux une enveloppe? Lève-toi. Lève la main. Hacheuse, levez-vous. Vite, vite, vite. Prenez une enveloppe. Mettez de l'argent dans l'enveloppe. On vous a prévenu. Donc, j'espère que vous avez amené quelque chose qui va faire une différence. Pascal. Par ton offrande, tu es en train d'envoyer l'évangile. Qui marche dans les rues et qui meurt de froid. Par la tête d'enfant qui pleure et qui est sans abri. Par la ces gens qui meurent de faim, perdus dans le désert. Ils ne savent pas que j'ai fait. Même s'ils ne te croient pas, je suis là. Même s'ils ne te reçoivent pas, oh, dis-leur pour 50, 100, 200, oh, dis-leur pour moi, dis-leur que je les aime. Je suis venu pour qu'ils soient sauvés. Are you ready? Okay. I want you to stand to your feet. Ceux qui ont les enveloppes, je veux prier pour vous. Wow. Ceux qui ont aussi écrit, ceux qui ont écrit leur nom aussi, levez-vous, je veux prier pour vous. Vous voulez donner, mais vous n'avez pas ça avec vous. Mais vous voulez donner, levez-vous, je veux prier avec vous et pour vous. Alléluia. Ceux qui sont assis, c'est parce que vous n'avez pas ou c'est parce que vous n'êtes pas... All right. Et pourtant, on vous a... Vous avez oublié. Premier service, vous avez déjà donné. Ok, si vous avez déjà donné, vous avez donné quelque chose pour le premier service, levez-vous, je vais prier pour vous aussi. All right, let's pray. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont levés, tous ceux qui ont prévu donner quelque chose pour soutenir ton œuvre. Seigneur, bénis-les. Bénis ceux qui ont le cœur de propager ton évangile. Merci pour ceux qui désirent envoyer ton évangile dans les pays lointains, dans les coins les plus profonds, dans les endroits difficiles à atteindre, Seigneur, mais qui n'ont pas la possibilité d'aller eux-mêmes. Seigneur, bénis-les parce qu'ils sont en train de semer. Semer dans ce ministère que tu as établi, la campagne Jésus qui guérit. Merci pour leur vie. Merci, Seigneur, pour cette semence. Merci pour la foi qu'ils exercent ce matin en soutenant ton œuvre. Seigneur, c'est toi qui peux bénir. Personne d'autre peut les bénir. Personne d'autre peut les toucher. Seigneur, tu connais leurs désirs. Tu connais leurs prières les plus profondes. Seigneur, exauce leurs prières. Bénis-les, Seigneur. Montre-les ton faveur, ta grâce. Seigneur, c'est toi seul qui peux toucher leur cœur. Ceux qui n'ont rien à donner aujourd'hui, touche-les afin que demain, ils puissent aussi donner. Seigneur, que ton évangile aille loin, loin, loin, loin. Dans les pays musulmans, dans les pays qui ne croient pas en Dieu, en Europe, partout, Seigneur. Que ton évangile puisse être prêché. Envoie-nous parce que nous voulons leur dire. Nous voulons leur parler de ton amour, de la grâce que nous avons reçue. Seigneur, merci pour ce privilège de te connaître et merci pour le privilège de participer à cette œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Ok, maintenant, vous allez venir très rapidement donner. Lady Pastor, please help me. I want you to do it this way, please. On va faire ça par rangée. Venez, quand vous donnez, vous passez par là. Rodi, your group. Restez debout, s'il vous plaît. Moi, je vais rester debout presque une heure. Vite, vite. Dis-leur. Vous êtes en train de prêcher l'évangile par votre offrande. Ne te crois pas, je suis là. Même si ne te reçois pas, oh, oh, dis-le pour moi. Oh, dis-le pour moi. Dis-le que je les aime. Je suis venu pour qu'il soit sauvé. Oh, dis-le, dis-le. Même si ceux qui sont au milieu, venez. Fais-moi les camps. Je suis là. Même si vous avez votre argent maintenant, venez. Oh, dis-le pour moi. Soyez bénis. Oh, dis-le pour moi. Dis-le que si vous avez rempli la fiche pour les hommes permanents. Découpez la fiche et amenez la partie que nous devons garder, s'il vous plaît. Ceux qui vont payer par banque, venez. Ceux qui ont pris les fiches, découpez et va dans les pieux reculés. Oh, dis-le que je peux guérir la cœur brisée et restaurer les humiliés. Je suis venu pour qu'ils soient sauvés. Dis-le, même si ne te crois pas, je suis là. Même si ne te reçois pas, oh, dis-le pour moi. Oh, dis-le pour moi. Dis-le que je les aime. Je suis venu pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. God bless you. You may be seated. J'espère que vous allez aussi donner. Vous allez aussi donner, hein? Oui ou non? Amen. 1 Thessaloniciens 5. Vite, vite, vite. Don't worry, je sais que vous avez faim, mais on va vite terminer. Ça, c'est une journée spéciale. Verset 27. Un Thessalonicien. Are you there? Okay. Je vous conjure. Can we read it together? Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Encore une fois, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Pendant le premier culte, on a vu des raisons pour lesquelles Paul a voulu que cette lettre, la lettre aux Thessaloniciens, soit lue à tous les frères. Il a écrit une lettre et il a parlé du cœur. Il a encouragé les frères de se soutenir les uns les autres. Il a demandé qu'ils prient sans cesse. Il a voulu qu'ils sachent certaines choses concernant la marche avec le Seigneur. Et il trouvait ce qu'il avait à dire important. Aussi important qu'il a demandé aux leaders de lire la lettre à tous les frères. Alléluia. De les rassembler tous pour partager ce qu'il avait à dire. Amen. Et ce mot conjure, c'est un mot grec qui est orkizo. Orkizo. OK? Et c'est jurer ou obliger quelqu'un à porter ce serment. Prêter serment. C'est l'importance qu'il a attachée à cet acte de lire la lettre à tout le monde. Il a demandé, il a supplié, il a dit, je vous en conjure, s'il vous plaît, presque une obligation, de lire la lettre à tout le monde. Alléluia. Et nous, à Lighthouse, nous trouvons aussi que les lettres que notre père, l'évêque, a écrites sont des lettres très importantes. Quelles sont les lettres? Ce sont les livres. Le livre contient tout son cœur concernant l'Église, le ministère et notre marche avec le Seigneur. Donc, pendant le mois d'avril, nous allons tous lire la lettre qu'il a écrite dans le livre qui s'intitule « Perdre, souffrir, sacrifier et mourir ». C'est une lettre très importante. Une lettre qui montre le cœur de Dieu pour son Église. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de beaucoup de choses. Et dans la Bible, il parle de beaucoup de choses. Il parle des vérités qui se trouve dans ce monde et dans cette marche avec le Seigneur. Marcher avec Dieu n'est pas facile. Amen. Et il ne veut pas vous tromper. Il ne veut pas prétendre que la vie sera une vie en rose. Il ne veut pas que vous pensiez qu'une fois en Christ, vous n'aurez pas de problème. Vous aurez des problèmes. Amen. C'est promis. Alléluia. Et il ne veut pas que vous soyez découragés lorsque les problèmes commencent. Alléluia. Amen. Ceux qui sont derrière, vous êtes avec nous. Donc ce livre est un livre très important que je veux que tout le monde ait. Au moins une copie. Vous pouvez en acheter deux pour envoyer ça au pays ou envoyer ça à quelqu'un que tu connais qui passe par des moments difficiles, qui est en train de douter Dieu parce qu'il passe par des moments difficiles. Amen. Et dans ce livre, vous découvrirez 4 rendez-vous que Dieu vous promet dans votre vie. Alléluia. Et les 4 rendez-vous sont le titre de ce livre. perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Il y a des copies encore, n'est-ce pas? Et s'il y a quelqu'un qui... Pendant 6 semaines, nous allons enseigner avec ce livre. Dimanche, mercredi, mais si vous n'avez pas de copie, vous serez perdu. Même si vous avez ça sur votre tablette, vous devez avoir une copie. Parce que vous allez souligner, vous allez encercler, vous allez mettre des notes dans les marges. Il vous faut une copie. Amen. Si vous n'avez pas de copie, levez la main. Normalement, si vous allez dans le bookshop, c'est 20 Ghana. Mais aujourd'hui, nous allons vendre ça à 5 Ghana. Profitez. Là-bas derrière. Quickly. Logo streamer. On the other side. Are you logo streamer? Ah, you are. Quickly. Prenez l'argent. Fred. Ah. 5 Ghana, maintenant, cash, en direct, en live. C'est un livre essentiel. À cause du titre, beaucoup d'entre vous n'allez pas acheter. Fred, ici devant. N'allez pas acheter. Parce que personne ne veut mourir. Personne ne veut souffrir. Personne ne veut sacrifier. Personne ne veut perdre. Que vous le vouliez ou non, vous allez... How do you say? You keep the rendezvous. Yeah. C'est des rendez-vous essentiels à votre vie. Who doesn't have a copy still? Qui peut acheter 2 copies? Quelqu'un peut acheter pour quelqu'un qui n'a pas d'argent. Qui n'a pas d'argent? Tu veux une copie, mais tu n'as pas d'argent. Et tu n'auras pas l'argent même avant mercredi. Oh, vous êtes bénis. Tout le monde a de l'argent. Wow, fantastique. Donc, pourquoi vous n'avez pas donné pour la campagne Jésus qui guérit? Vous avez tous. Regarde ton voisin et vois, regarde dans la main de votre voisin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas une copie? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a pas de copie? Ruth, where's your copy? À la maison. Où est, il m'a dit ça pendant le premier culte, qu'il a ça à la maison. Qui n'a pas de copie? Trahis ton voisin. Hey, Damoni, où est ta copie? Ah, tu n'as pas. Et j'ai demandé si tu as une copie, tu n'as pas d'argent, lève la main. Tu t'appelles Damoni. You must have Damoni. Tu n'as pas de livre. So why didn't you lift up your hand? Huh? You are afraid. You were lifting it. Tu n'as pas où ton copain, ta voisine, tu n'as pas non plus. Et tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent sur toi ou tu n'as pas d'argent. Hey! Qui peut payer 2 copies? Who? Hey, why? Au lieu de 20 Ghana, tu as payé 5. Tu peux pas payer 10. Ok. Ok. How many people don't have? Qui n'a pas? 1, 2, 3, 4. Hey! Jeremy! Your wife says she doesn't have a copy. She should have her own copy. How many? Okay, please, lift up your hand, please. Finish. 1, 2. Ah! Tout d'un coup, vous êtes nombreux. Lift, okay, count it, please, quickly. I don't want to continue. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de copie, lève la main. How many? How many? Jacques? 18. You people are not serious. Jack, give me 10 copies. I'm buying 10 copies myself. You don't have. You only have one copy left. There's no more copy again. That's the last copy you have. It's the last copy. Quickly bring. Oh. You see? Quand il fallait donner, levez la main, tu n'as pas voulu. So that's two. But you were right in front. I didn't see your hand lifted up. I didn't see your hand lifted up. So you will have to go and buy it at 20 Ghana cedis. You can have my copy. You are blessed. Hallelujah. Amen. Quand on vous demande de lever la main, vous pensez que c'est un fardeau. C'est fini. Vous pouvez acheter ça en anglais à 5 Ghana. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Amen. Parce qu'on n'a plus de copies. On a fait venir des copies du Togo. Pour vous. And you didn't want it. Amen. What can I do? I can't force you. Amen. All right, let's continue. Chapitre 2. C'est quelle page? Quelle page? 11. Nous allons parler, juste 5 minutes, nous allons parler de notre premier rendez-vous. Perdre. Dis à ton voisin, frère, tu vas perdre. Tu vas perdre quelque chose pour le Seigneur. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Philippiens 3, verset 8. Et même, suivez. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Soulignez ça dans votre livre. Soulignez ça. Je regarde toutes choses comme une perte. Et le mot perte, c'est en gros. Encerclez le mot. Quand vous allez rentrer, vous allez ouvrir un dictionnaire et vous allez regarder le mot perdre pour savoir ce que ça veut dire. Puis vous continuez, vous soulignez à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Pour qui j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Ça, c'était le cœur de Paul. Il a dit, tout ce que je peux gagner dans ce monde, je considère comme de la boue. Si j'avais un cadeau à vous donner et je vous demande de me suivre pour aller jusqu'à la maison, je dis, viens, je vais te donner un cadeau. Je ne sais pas combien de personnes vont me suivre. Mais si je vous dis que je vais vous donner de la boue comme cadeau, est-ce que vous allez continuer à me suivre à la maison? Pourquoi? Parce que la boue n'a pas de valeur. La boue n'a pas de valeur. Amen. Paul dit, tout ce que je peux gagner dans ce monde, je considère comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Qu'est-ce qu'on peut gagner dans ce monde? Les diplômes, la maison, voiture, comment? Les dernières. Toute dernière. Ad. Intérêt. Beaucoup d'intérêt. Toujours être toujours frais. Bien habillé. Hey, ça c'est un Congolais. Ah, qui n'est pas, il est Gabonais. Ah, ici. Toujours frais, bien habillé. La Bible dit, Paul dit, je regarde toutes ces choses comme une perte. Amen. Pour l'excellence, comparé à l'excellence de gagner Christ. Le iPad n'est rien. Le iPad ne vaut pas mon salut. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre mon salut en danger à cause d'un iPad. Je ne vais jamais voler un iPad. Je ne peux pas mettre mon salut en danger à cause de la dîme de quelqu'un. Quelqu'un a volé la dîme de son frère ici à l'église. Vous dites, oh! Ici à l'église, la sœur, elle est où? Où est-ce? Oui, elle est là. Elle a amené sa dîme. Vous savez combien c'est difficile de payer sa dîme? 10% de tout ce que tu as. Tu mets ça dans une enveloppe, tu amènes ça à l'église pour payer. Et quelqu'un se permet de mettre sa main dans ton sac et puis prendre. La personne n'a pas peur de mettre son salut en danger à cause de, je sais même pas combien c'était sa dîme. Mais c'était pas 10 000 Ghana Cedis. 1 000 Ghana Cedis. Yeah. Maybe. Peut-être. Même si, d'échanger ton salut pour la dîme de quelqu'un. Wow. Tu n'es pas prêt à perdre. Amen. Huh. What a shock. Amen. Et si, la Bible dit, dans le livre, vous devez accepter de tout perdre pour Jésus-Christ, comme Paul l'a fait. Paul a souffert en perdant beaucoup de choses. Si vous ne perdez pas, vous ne gagnerez pas. Yeah. Et vous ne pouvez pas suivre Jésus si vous n'êtes pas prêt à perdre. Jeff, are you ready? Parce que tu vas perdre. Amen. Marc 10, verset 28, is in your book. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Combien de personnes sont prêtes à dire ça? Jésus, je suis prêt à tout quitter pour te suivre. Hey! What a shock! Je suis prêt à tout quitter. Quand j'ai commencé à travailler à plein temps, c'était pas facile. C'était pas facile. Ça m'a pris des années avant de dire oui. Je fouillais. Yeah. Mon témoignage est sur le ASI, je sais pas, 2000, je sais pas quand. Donc beaucoup de prédications. Yeah. Je fouillais. J'étais pas prête à perdre. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai eu cette révélation que Paul a eue. Tout ce que j'ai pu gagner dans le monde, complètement empty. Une perte de temps. Amen. J'ai eu beaucoup d'expérience dans le monde des Nations Unies, des ONG, et je croyais que j'avais une vie. Je croyais que j'étais bénie à l'époque, parce que je servais Dieu, je payais ma dîme, j'étais contente de ma petite vie. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. J'étais jamais satisfaite dans mon emploi. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui m'énervait, il y avait quelqu'un qui... Every single place I went to. Et je savais que Dieu m'appelait, mais j'étais pas prêt à perdre. Et à cause de cela, j'ai passé par beaucoup de choses. Yeah. Jusqu'au jour où j'ai accepté, j'ai dit, ok, Seigneur, je comprends. Je vais travailler à plein temps. Quand je suis allée en paix à plein temps, c'était pas facile. Hey! Vous parlez de la galère. Vous parlez de souffrance. mon salaire était, disons, hein, je veux vous donner juste un montant, ne dites pas que, hé, les 10 pasteurs gagnaient. Si, par exemple, je gagnais 5000 Ghana par mois, ma dîme était 500 Ghana, n'est-ce pas? Je gagnais presque ma dîme comme salaire. You understand? Disons, donner un exemple pour être clair. Si je gagnais 5000 Ghana Cedis par mois, je payais la dîme de 500 Ghana. Quand je suis venu à plein temps, disons que je gagnais 550 ou 600 Ghana par mois. That's the example I'm giving. Hey! Ça, c'est une perte! Ça, c'est une perte! Yeah! C'était difficile. Parce que même avec les 5 000, on ne voyait pas comment faire face à la situation au Ghana. Yeah. Mais Dieu m'a préservé jusqu'aujourd'hui. Je suis plus que béni. Plus que béni. Je suis plus béni que toi. Et plus béni que toi. Amen. Yeah. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à faire ce sacrifice. À tort. Vous vous plaignez parce que vos parents vous envoient 500 Ghana par mois. Ça, c'est le salaire de quelqu'un qui travaille. Pas forcément à plein temps, mais qui travaille au Ghana. C'est le salaire de quelqu'un. Mais vous vous plaignez. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas prêt à perdre. Amen. Vous devez perdre de l'argent. C'est-à-dire, vous devez pas perdre de l'argent que tu ne trouves pas ton argent, non. Vous devez être prêt à donner. Sacrifier ce que vous vouliez acheter pour donner ça à quelqu'un qui souffre, qui est dans le besoin. Tu dois être prêt à donner ton argent pour le transport, pour aller évangéliser, pour venir à l'église. Tu dois perdre de l'argent. Amen. Servir Dieu doit te coûter quelque chose. Amen. Vous devez perdre votre confort et votre bien-être. Yeah. Gagner 5000 et gagner 500, c'est différent. Si tu avais l'habitude d'acheter, d'aller à ShopRite chaque semaine pour faire tes courses, maintenant tu vas acheter à Melcom ou aller à Makola. Récemment, j'ai découvert, quelqu'un a acheté des chaussures pour un Ghana Cedi. J'ai dit, what? Une belle paire de chaussures. J'ai regardé les chaussures, j'ai dit, ah, j'ai la même paire, est-ce que tu as acheté ça ici? Elle a dit, oh, non, one Ghana Cedi, Melcom, Makola. J'ai dit, quoi? Si je mets mes chaussures ici et je mets les siens ici, tu ne vois pas la différence? Yeah. Mais tu n'es pas prêt à perdre. Il fut d'un temps, moi qui, je roulais dans des voitures CD, des voitures diplomatiques, que moi, c'était ma voiture. J'étais diplomate. Do you know diplomate? Aux Nations Unies, je roulais en 4x4. En Angola, j'ai servi en Angola, j'ai servi en Namibie. Do you understand? Mais quand je suis venu à plein temps, je travaille à plein temps. Je cherchais où passer, je savais pas où prendre le trottoir de chez moi pour venir à l'église. Je savais pas. Mais j'ai dû découvrir. You understand? Parce que de 5000 Ghana à 500 Ghana, il faut trouver des moyens de survivre. Je me souviens la première fois, je suis quittée de ma maison, j'ai dit, ok, je vois des trottoirs passer par ici. Je vais demander où ils vont. I couldn't go from my house to circle. I didn't know where to stand. C'était à ce point. Yeah. Mais quand vous me voyez tous les jours, est-ce que vous aviez su? Oh, you will not know. You still can't see. Yeah. Tu ne dois pas voir. Mais certains d'entre vous, si vous n'avez pas le western une semaine, votre visage change. Comme l'évêque Bishop a dit, votre visage devient dur. Tout le monde doit savoir qu'il y a un problème. Yeah. Vous devez perdre votre confort. Se mettre dans un trottoir n'est pas facile. Quand vous êtes habitué à rouler dans une voiture climatisée. Hey! I tell you! Quand tu en dis pousse, pousse, hey! Et la voiture est déjà pleine. Et il y a les odeurs et les parfums de tout le monde. La chaise est déchirée. Tu sais pas si quand tu vas te lever, ça va déchirer ta jupe. Tu ne sais pas. Hey! Les chaises sont dures. Mais tu es dedans, calme, tranquille. Tu es prêt à perdre pour servir Christ. Yeah. Les vacances en Suisse, aux États-Unis, hey, gone. Quand je travaillais, j'avais l'habitude de suivre la femme de l'évêque pour « Daughter, you can make it USA. Daughter, you can make it ici. » Chaque année, je partais avec elle aux États-Unis pour « Daughter, you can make it. » Et après, c'était le shopping. Et quand je suis arrivée à plein temps, hey! Fini? Yeah? You people, you are joking, eh? Hallelujah. Votre confort, votre bien-être. Yeah. Certaines personnes ici, vous voulez rentrer parce qu'il fait trop chaud au Ghana. Et là, oh, je veux rentrer parce que ici, là, il fait trop chaud. La chaleur, regarde, je deviens noir. Mais vous savez que si vous partez, le backslide vous attend à l'aéroport. Vous devrez rester ici encore un peu pour être bien ancré dans la parole. Bien? Et souffrir le soleil, la galère. Apprenez à manger le quinqué, le bankou, yeah, coconté, yeah. Pour rester, apprenez à... Listen. Vous ne pouvez pas payer votre dîme parce que vous n'êtes pas prêt à souffrir. Vous dites, non, quand je regarde les 50 Ghana que je vais donner, je peux utiliser ça. Ça peut payer beaucoup de choses. Ça peut payer maman l'électricité, le courant du mois. Ça peut payer ici, ça peut... Vous ne savez pas que vous allez perdre encore plus. Amen. Votre bien-être. Certains d'entre vous, vous ne serez jamais missionnaires parce que vous ne pouvez pas dormir sur une natte. Vous ne pouvez pas aller travailler quelque part où Dieu veut que vous soyez parce que là, vous ne voyez pas votre avenir. Beaucoup d'entre vous, vous ne devez pas retourner au pays. Vous devez aller dans un autre pays travailler là-bas. Parce que quand vous retournez au pays, vous allez backslide. I'm telling you. Junior, est-ce que tu as déjà pensé à aller travailler au Rwanda, par exemple? Trouver un travail là-bas? Au Soudan? Non, je parlais je pense aux pays francophones. Tchad. Trouver un travail. La Guinée. Trouver un travail là-bas. Est-ce que ça vous est déjà passé par l'esprit? Que je peux aller travailler ailleurs. Pourquoi? Parce que si je rentre au pays, je sais que je vais retourner je vais retourner dans la boue. Yeah. Some of you. Mais vous n'êtes pas prêt. prêt à perdre ce bien-être, le confort d'être en famille, d'être avec les bien-aimés. Pourquoi ne pas aller au Tchad et établir un lighthouse? Pourquoi pas? Avec l'expérience que vous avez de basseur, ça c'est former une église, ça c'est une église. Vous ne savez pas, nous sommes en train de vous former. Vous êtes en train d'être formés. Sans le savoir. L'expérience que vous avez dans les basses, c'est la même chose que vous allez expérimenter quand vous allez commencer une branche. Ce sont les mêmes choses. Les membres qui viennent aujourd'hui ne viennent pas demain. Les suivis, l'après. Et it's exactly what you are doing is starting a church. Vous êtes apôtre. Yeah. Un apôtre, c'est quelqu'un qui bâtit une église. Tourne à ton voisin et dit, est-ce que tu es un apôtre? Apôtre. Et puis donnez le nom. Apôtre Jeff. Apôtre Liane. Apôtre Ruth. Tu n'es pas encore apôtre. Dans bientôt. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier les petites choses de la vie, vous n'arriverez jamais à des grandes choses dans votre ministère. Yeah. Quand nous sommes partis en Guinée, on a vécu dans des endroits différents. Des endroits auxquels nous n'étions pas habitués. Yeah. Si vous n'êtes pas prêt à vivre dans certains endroits, vous ne pouvez pas avancer avec Dieu. Vous ne pouvez pas faire certaines choses. Parce que pour vous, c'est votre petit lit. Je n'aime pas partager le lit avec quelqu'un. Oh, ok. Be happy. Yeah. Single bed. Alléluia. Colossiens 3, 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu n'as pas mangé le croissant depuis 6 mois et tu trouves que tu souffres. Pour toi, c'est la souffrance. Tu n'as pas mangé, tu manges le tea bread. Oh, tea bread, c'est difficile. Ça, c'est la difficulté pour toi. Tea bread. Tea bread, c'est ton souffrance, c'est ta souffrance. C'est ce que tu appelles souffrir. Tea bread. Wow. Coupure de courant, c'est ça, c'est ce que tu appelles souffrance. Wow. Et mourir sur la croix, ça c'est quoi alors? Te clouer à un morceau de bois, ça c'est quoi? Si dormir dans la chaleur, c'est la souffrance. Être cloué à un morceau de bois, c'est quoi? I don't know. You don't know, yeah. Ça c'est quoi? Si pour toi manger le tea bread, c'est la souffrance, c'est la galère. Monter dans le trottoir, c'est un problème, c'est une difficulté. Beaucoup d'entre vous, je vous vois, je vous observe, venez en drop. Je vous regarde. Tu dis que tu n'as pas d'argent, mais tu n'achètes pas le pure water parce que tu dis que tu es allergique. Tu achètes Voltic. Tu n'as pas d'argent, mais tu achètes Voltic. Ok. Tu es béni. Ne dis pas ça, j'ai des maux de ventre quand j'achète du pure water, là ça me fait, j'ai des coulements de ventre, donc il faut que j'achète, ok, powerful. Et tu dis que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer un livre à 5 Ghana, mais tu peux acheter une bouteille de Voltic et tu peux prendre un drop pour aller à la maison. Et la checker en plus. Takeaway. Tu manges un ici et tu amènes un à la maison. Avec le bisap. On vous a vu. Quand les gens viendront acheter la chéquée aujourd'hui, là, faut regarder ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas d'argent pour le livre. Alléluia. Vous devez perdre. Oh, ok. Votre famille. Hey. Pendant le premier culte, je vous ai dit, hein, quand vous écoutez Jésus-Christ, on dirait qu'il ne veut pas que les gens le suivent. Parce que les choses qu'il a pu dire, tu vas te demander, mais ce gars-là, c'est comment? Il veut qu'on le suive ou pas? Il n'encourage pas les gens, hein? Amen. Si tu n'es pas prêt à abandonner ta famille, sacrifier votre famille, perdre votre famille pour suivre Jésus-Christ, vous n'êtes pas prêt. C'est tout. Luc 14, verset 26. Which page is that? Page. It's still 10, eh? Ou 14. I think I've moved on. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il lui sera difficile d'être mon disciple. Is that what the Bible says? Il sera difficile. Qu'est-ce que la Bible dit? Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pas pour les blagueurs. Je ris toujours quand les gens disent, ah, mais vous, les chrétiens, c'est parce que vous n'êtes pas forts, vous êtes faibles, vous êtes facilement emportés, vous êtes des gens qui ne connaissent pas, vous êtes des gens qui cherchent quelque chose sur lequel vous devez vous accrocher, vous n'êtes pas forts. I listen to all of that and I say, look at you. Vous ne savez pas combien c'est difficile. Combien vous devez être fort dans votre homme intérieur pour suivre Jésus-Christ. Pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pas un moyen d'échapper à quelque chose. C'est la souffrance. C'est le sacrifice. C'est perdre. Et c'est mourir. Amen. Are you listening to me today? Vous n'êtes pas prêt à perdre 30 minutes de votre temps. Vous regardez le monde et dites, ah, mais ils ont dit midi 30. Quand ils m'ont invité, ils ont dit 10h, midi 30. Mais c'est pas midi 30, c'est passé. Elle ne va pas terminer. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je vais terminer. Je vais terminer, mais je n'ai pas encore terminé. Amen. Alléluia. Travailler en plein temps signifie sacrifier votre sécurité. Vous n'êtes pas sûr de demain. Yeah. Nous tous, nous qui travaillons en plein temps, nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Parce que si vous décidez de ne plus payer votre dîme, on est dehors. Yeah. Nous sommes dehors. En tout cas, je sais que Jeremy va partir avant que moi je ne parte. Parce qu'il est arrivé après moi. Yeah. Yeah. Votre sécurité, vous ne savez pas ce qui vous attend demain. La Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre par l'évangile. Donc si vous partez, vous prêchez et personne ne donne l'offrande, la dîme, tu vas regarder les quatre murs et tu vas prier le Seigneur. Ah, Seigneur, la manne, envoie la manne. La manne du ciel. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier quoi que ce soit. Vous n'êtes pas prêt à perdre quoi que ce soit. Même soutenir la croisade Jésus qui guérit. Non, ça c'est pas dans le budget. C'est pas dans le budget. Aujourd'hui, je comptais payer un nouveau téléphone. Si je donne, je ne pourrais pas acheter le iPhone 6. Je serais obligée d'attendre encore. Je suis pas prête à attendre. iPhone 6, là, ça va me permettre de faire le podcast. C'est vous qui avez demandé qu'on fasse podcast. Podcast. Vous connaissez podcast? Yeah. Il est beaucoup plus sûr de travailler pour la banque Barclays que de travailler pour une église pentecôtiste. dirigée par un pasteur de 28 ans. Tu vas tout quitter pour travailler à plein temps dans une église qui a à peine 2 ans. Où les membres, tout le monde est étudiant. Tu dis que tu vas travailler à plein temps. Hey! Amen. Yeah. Nous devons apprendre à perdre pour le service, pour servir Dieu. Yeah. Tu ne veux pas souffrir. Tu veux que la vie soit aisée, la vie soit tranquille. Jésus-Christ n'a pas vécu une vie tranquille sur cette terre. Mais tu dis que tu es disciple. Il a dit, si tu n'es pas prêt à perdre maman, papa, frère, sœur, épouse, époux, toi-même. Non. Tu ne peux pas être mon disciple. Qu'est-ce que ça veut dire perdre? Ça ne veut pas dire que ils sont sur un avion Malaysia Airways 370 et ils sont perdus. Ils ont... That's not what I'm talking about. Je parle de être dans la même maison, mais de considérer ta vie chrétienne plus, ou ta marche avec le Seigneur plus que ta relation avec ton épouse, ton époux, tes enfants. Bernice. Missionary to chat. Yeah. Jesse. Yeah. Jesse. Tous tes projets. Prêt à les abandonner si Jésus-Christ te demande aujourd'hui. Jeff. I want you to go to... Yeah. Mais vous appelez toujours Somalie, Tchad, why? Même, tu sais, quelqu'un qui, s'il va à Paris, ça serait la pire des décisions qu'il peut prendre. Parce qu'à Paris, il n'aime pas Dieu. En France, les Français, they do not like God. I am telling you. Il y a trop de vices. Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas les choses de Dieu. Donc, aller à Paris, pour moi, ça serait un plus grand sacrifice que d'aller en Guinée. Parce que ça serait plus difficile pour moi de servir Dieu. Le missionnaire, on vient d'envoyer, ça c'est la 4e fois qu'on essaye d'établir une église à Paris. 4e fois. Le missionnaire qui est là-bas, je prie pour lui, pasteur Henri. Je prie pour lui. Yeah. C'est la 4e fois qu'on a essayé. Et pourtant, le missionnaire qui est parti au Niger avec sa femme, il ne parlait pas français avant de partir, mais ils sont là. Ils sont bénis. Ils ont commencé. Ils sont venus ici. Niger, pas encore. Mali était ici, ils sont bénis. Ils ont, la femme du pasteur au Mali, elle dit, dans la chambre, dans le salon, ça fait 40 degrés, la température, à l'intérieur, c'est 40 degrés. Vous connaissez 40 degrés? Ça c'est in the house, so I'm talking about dans, à l'intérieur. Toi, tu es là, tu as chaud. Il y a même le vent qui souffle. 40 degrés à l'intérieur de la maison. Mais si tu leur demandes de revenir au Ghana aujourd'hui, ils vont refuser. Ils vont refuser. You stayed with them. Ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils considèrent ce qu'ils sont en train de faire plus important que leur confort et leur bien-être. Ils sont prêts à sacrifier. À perdre la famille. Yeah. Pastor Pascal, he's ready to go to Gabon. Gabon, c'est pas le paradis. Oh. Vous êtes voisin à la France. Yeah. Hein? Récemment, on a envoyé les livres que nous devons vendre dans l'église. Le douanier a voulu brûler tous les livres. C'était samedi passé. Je crois que c'était le papa de Horeb qui a amené les livres. Ils ont voulu prendre tous les livres de Bishop qu'on envoyait à l'église. Was it this one? No, was it, where's Fabienne? Was it this one? Wow. Oh, samedi, ok, donc c'était pas... They wanted to burn the books. Ils ont brûlé le sac. Mais c'était une grâce que les livres n'étaient pas brûlés. Le Gabon. Yeah. Donc, si on dit qu'il va partir en tant que missionnaire au Gabon, c'est pas le luxe, c'est pas le paradis. Il va lutter contre beaucoup de choses pour survivre. Yeah. Tu vas perdre ta vie. You won't be able to eat kenke again. Banku and okra soup. Watch it. Chito. Akpila. Oh. Hein? Yeah. Les Togolais vont le sauver là-bas. Il y a des Togolais là. Hey! Vous appelez toujours Tchad, Somalie. Pour certaines personnes, le Somalie, ce serait le paradis. Un paradis spirituel pour toi. C'est là où tu vas ramasser les couronnes, les prix, les... C'est parce que vous ne considérez pas les choses spirituelles. C'est pourquoi. Amen. C'est pourquoi vous n'êtes pas prêt à perdre. Mais je prie le Seigneur qu'après ces 6 semaines de la lecture d'une lettre d'amour que notre Père nous a écrite pour nous communiquer le cœur de Dieu, nous serons transformés. Nous serons changés. Nous allons voir différemment la vie, la marche avec le Seigneur par la grâce de Dieu. Amen. Levez-vous. Amen. Hallelujah. Oh, you can see. Même votre acclamation n'est pas... Hallelujah. Amen. Jeff, please come. Amen. Commencez à prier et remercier Dieu. Continuez à prier. Priez le Seigneur. Dites merci à Dieu aujourd'hui pour ce message. Dis au Seigneur que tu es prêt à tout apprendre par rapport à la souffrance, la perte, le sacrifice et la mort. Tu es prêt à tout apprendre pour mieux comprendre ce que c'est servir Dieu. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés avec toi. Merci pour l'opportunité de semer. Merci pour l'opportunité de participer à ton œuvre. Merci pour le changement que je sens déjà dans mon cœur par rapport à ma marche avec toi. Seigneur, tu es Dieu, tu continues à être Dieu. Donne-moi la force de te servir, la force de rester fidèle, malgré tout ce que je peux subir dans l'avenir. Seigneur, je te bénis. Je te remercie pour la force et la foi que j'ai en toi. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Je veux prier pour toi ce matin, si tu es là, ou cet après-midi, tu ne connais pas Jésus-Christ personnellement. Tu n'as pas de relation personnelle avec lui. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas si tu iras au ciel ou en enfer. Je veux prier pour toi. Tu veux dire, Lady Pastor, je ne sais pas ce qui va m'arriver si je meurs. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais je veux savoir, si je meurs aujourd'hui, Seigneur, je veux être avec toi. Je veux prier pour toi, mon frère, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux dire, Seigneur, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang précieux, écris mon nom dans le livre de vie. Je veux être né de nouveau, je veux être enfant de Dieu. Lève la main, mon frère, je vais prier pour toi. Tu ne veux pas entamer cette marche avec le Seigneur sans lui. Tu ne peux pas dire, je connais Christ parce que je prie à l'église. Je connais Christ parce que ma famille est chrétienne. Je connais Christ parce que mon père est pasteur. Toi, en tant qu'individu, tu dois connaître Jésus pour toi-même. Tu dois avoir une relation avec lui. Lève la main si tu veux l'inviter dans ton cœur aujourd'hui. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Merci, je vois la main derrière. Que Dieu te bénisse. Il y a encore quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Il faut prendre la décision aujourd'hui. La Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira. N'attends pas que ça soit trop tard avant de flécher le genou. Lève la main. Seigneur, ce matin, je te donne ma vie. Prends le contrôle. Lève la main si tu veux faire cette prière aujourd'hui. S'il y a une main levée, viens vers moi, je veux prier pour toi. Viens, mon frère. Viens devant. Tu veux donner ta vie? N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ne les obligez pas s'ils ne veulent pas venir. Justine. Ok. God bless you. Merci. Venez. Nous allons simplement prier. C'est une simple prière. Ok. Merci. Nous allons prier. La Bible dit que si tu as honte de moi devant tes frères, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Donc ce n'est pas trop tard si tu veux venir faire la prière. Et venir devant, ce n'est pas pour vous humilier. C'est juste un symbole que consciemment je choisis Jésus. Consciemment devant l'assemblée, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je ne veux plus me cacher. Je veux le servir en esprit et en vérité. C'est tout. Donc si vous êtes là, vous voulez donner votre vie à Jésus, ne dites pas que je vais faire ça là où je suis assis. Venez devant pour montrer que vous êtes fier de votre décision, que vous êtes confiant de ce que tu fais, ce que vous faites. Donc nous allons prier. Mon frère, nous allons faire cette prière ensemble. Je vais demander à tout le monde de faire la prière. Fermez les yeux et répétez après moi. D'accord. Nous allons prier et après on va parler. Ok. Fermons les yeux. Nous allons prier. Seigneur Jésus, répète après moi. Oui, nous allons. Ok, mais nous allons faire ça encore. Ok. Que tout le monde ferme les yeux et répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci de m'avoir appelé ce matin, de m'avoir parlé ce matin. Ce matin, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi, Seigneur, par ton sang précieux. Fais de moi une nouvelle créature. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon cœur. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour ton salut. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. C'est fini entre toi et moi. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir et je vais te suivre. Merci de m'avoir accepté. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort le Seigneur? S'il vous plaît, suivez le frère. Tournez-vous, voyez le frère derrière vous. Voyez le frère derrière. Est-ce que vous pouvez le suivre? Il va vous parler pendant une minute. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît.